Chapitre 29e, pour vaincre Riri. Le matin était venu, et comme il arrive toujours après une longue nuit de forte pluie, il resplendissait clair et rieur. Paris lavé, nettoyé, semblait sourire au ciel bleu piqué çà et là de gros nuages blancs, légers comme du tulle. Les maisons étaient teintes en rose, et le parfum que répandaient les moissons charmantes des voitures de marchandes de fleurs semblait tout naturel, et faire partie de l'atmosphère même des rues. C'était à croire que sous les pavés comme sous l'herbe des prés se cachaient des violettes. Avec un éclair gai dans les yeux, un sourire, les Parisiens se rendaient à leur travail, au bureau, au magasin, et en riant, ces fleurs vivantes de Paris, les ouvrières, couraient vers l'atelier, cachant parfois leurs petits nez roses dans leurs manchons, dans leur fourrure en imitation, car il faisait très froid ce matin. Sur la place Pigalle, vers la place de Clichy, dans la rue Blanche, la rue de Clichy, cependant des équipes d'ouvriers installaient des barrages, commençaient à défoncer hâtivement la chaussée, ouvraient les regards des trottoirs. Quelques heures plus tôt, au lever du jour, on avait entendu dans le sous-sol une forte explosion. En plusieurs endroits, le terrain avait été fendu et de l'eau s'échappait de quelques conduites éventrées. On disait qu'une explosion de gaz s'était produite, on ne savait pas exactement en quel endroit, et on allait procéder aux recherches. Comme une des jeunes ouvrières passait rue de Clichy sur un trottoir, marchant rapidement sur ses pieds menus, un terrassier qui, devant un regard, allait placer la grille protectrice, lui dit « Passez plutôt sur l'autre trottoir, mademoiselle Riri. » Riri s'arrêta interdite. Elle regarda ce terrassier qui venait de dire son nom. Les petits yeux malicieux, le nez en trompette de cet homme lui semblaient inconnus. Il avait certes une bonne figure, rieuse, mais elle ne se rappelait pas l'avoir jamais remarqué. « Vous me connaissez donc ?» demanda-t-elle, étonnée. « Oui, oui, mademoiselle Riri, » répondit, hésitant, gêné, ce terrassier. « Oui, comment cela ?»« J'habite le quartier, avenue de Clichy, près du passage Ganneron. »« Ah, bien. Alors je me suis permis de vous dire de gagner l'autre trottoir, parce que c'est sous celui-ci que passe la conduite de gaz et qu'on y fait des réparations à cause de l'accident. Il peut y avoir encore des explosions. » « Ah, merci. Vous faites bien de m'avertir, merci. » Et Riri traversa la chaussée, gagna l'autre trottoir et reprit sa course légère et charmante. Un des camarades de l'ouvrier s'approcha de lui et lui dit « Le chef a raison, Simon. Tu feras toujours des bêtises à cause des femmes. »« Ça m'a échappé, Gabriel, pardon. J'ai dit son nom malgré moi, mais ça n'a aucune importance. Elle ne pourra jamais deviner pourquoi je la connais si bien. Comment j'ai pu savoir son nom ? » ?»« Bon, bon, travaillons. » Et Gabriel, Simon, l'équipe d'hommes, se remit à la besogne. Gabriel et l'amorce, n'ayant pas vu reparaître le chef, se doutèrent qu'il était sous la barbotière. Des agents de la brigade de Paulin Broquet, mis en observation aux alentours de la barbotière, l'avaient vu pénétrer dans l'impasse de Guelma. Gabriel, l'amorce, affolé, redoutant un coup de dasse du chef, était revenu chez Clafou pour se renseigner, car le patron des enfants de l'Aveyron, qui avait le dernier parlé à Paulin Broquet, devait savoir quelque chose. Mais ils ne trouvèrent plus Clafou chez lui. Alors ils comprirent que Paulin Broquet, seul ou peut-être avec Clafou, avait tenté de pénétrer chez les bandits. « C'était une idée fixe chez lui, se dirent-ils. Il n'a pas voulu nous en parler pour que nous ne cherchions pas à l'en détourner. » Ce qui eût été bien difficile, parce que quand Paulin Broquet a quelque chose dans la tête, un boulet de canon ne le lui enlèverait pas. Gabriel, Lamor, Simon, quelques hommes de la brigade se concertèrent. Ils résolurent de pénétrer à leur tour adroitement ou par force dans le repère des bandits, de le fouiller de fond en comble, de ne sortir qu'après avoir retrouvé Paulin Broquet. Mais s'ils savaient que les réunions se tenaient à la barbotière, ils ignoraient totalement par quel chemin on pénétrait chez les bandits, car ils se doutaient que ce ne pouvait être dans ce bar que se trouvait l'entrée du repère. Il prévoyait dans les difficultés de s'en renseigner sur ce sujet une grosse perte de temps, pendant lequel leur chef probablement devait souffrir, courir le plus grand danger. Mais des agents de la sûreté qui les rencontrèrent et qu'ils reconnurent, des agents appelés par Clafou et le commissaire, les mirent au courant des derniers événements et leur apprirent la descente de Clafou et du commissaire en compagnie de Bipard dans la barbotière. Les seconds de Paulin Broquet n'avaient donc plus, pour l'instant du moins, qu'à attendre pour prêter main forte, à courir au secours, à l'aide de ceux qui faisaient en ce moment ce qu'ils avaient eux-mêmes conçu le dessein d'accomplir. Tout à coup, l'explosion se produisit. Cette explosion leur donna la certitude que quelque chose de grave venait de se passer dans la barbotière, car pas un moment ils n'admirent la supposition d'une explosion de gaz dans une canalisation. Ils pensèrent aussitôt que, plus vraisemblablement, les bandits, surpris, acculés, s'étaient défendus en faisant sauter les galeries qui conduisaient à leur repère et en ensevelissant les détectives sous les décombres des voûtes. Maintenant, la mort dans l'âme, ils se mêlaient aux ouvriers qui commençaient les travaux de recherche. Ils voulaient être là, descendre, accourir les premiers. Avec angoisse, ils se demandaient comment ils allaient trouver leur chef, s'ils le retrouveraient même vivant. Et Simon, qui au milieu de toutes ces transes prenait encore le loisir de plaisanter, de faire le joli cœur avec les petites ouvrières, qui s'amusait à parler à Riri la jolie. Il faut dire que Simon ne s'arrêta pas à ses facéties galantes, et qu'il reprit son travail avec la plus grande ardeur, sans plus s'occuper de qui que ce fût, ne pensant plus qu'à son malheureux chef. Quant à Riri, elle reprit sa descente rapide vers son atelier. Elle ne pensait déjà plus au petit incident qui avait tout à l'heure provoqué son étonnement. Le souvenir de cet ouvrier, son prétendu voisin, était sorti de sa tête presque aussitôt. D'autres préoccupations, bien plus graves, plus sérieuses, absorbaient sa pensée. Et tout en gardant ses yeux clairs, son sourire exquis, elle s'en allait le cœur gros, l'âme torturée. Durant la journée, devant ses camarades d'atelier, Riri jouait, la pauvrette, une comédie douloureuse. Elle conservait à l'atelier, pendant le trajet, un air gai, heureux. Elle riait comme toutes les autres, mais une fois seule, dès qu'on ne pouvait plus la voir, qu'elle pénétrait dans ce sombre passage ganneron, elle se mettait aussitôt autour de la morne tristesse qui se dégageait de ces maisons où tant de peines s'abritaient. Son sourire immédiatement s'éteignait, et sur sa jolie figure, jusque-là radieuse, se posait un voile douloureux. Elle songeait à cela cependant en se rendant seule vers son travail, par ce joli matin de clair soleil. À l'atelier, par fierté, elle ne voulait pas laisser connaître sa détresse, ses chagrins, mais en chemin, l'anxiété, l'angoisse, la dure réalité du malheur qui pesait sur elle, sur celle qu'elle adorait, s'imposait à elle, malgré elle. S'éloignant à peine de chez elle, elle pensait déjà au terrible retour, et la gaieté du chemin n'écartait pas son chagrin. Ah, ce retour, comme elle le redoutait, quelle angoisse pour elle! Ce n'était qu'en tremblant que chaque soir, elle s'approchait du seuil de la maison qu'elle habitait, où sa sœur souffrait, où se mourait sa mère. Car elle savait que dans la loge, derrière la porte vitrée, la concierge impitoyablement guettait sa venue. Et le regard de la concierge disait, répondant au bonsoir tremblant de la jeune fille, le regard disait « Vous devez déjà deux termes au propriétaire. Le troisième va tomber dans quelques jours. Serez-vous en mesure de les payer tous trois, d'en payer même un seul ?» Riri avait assumé le prix du loyer de ce misérable logement, et Rirette, depuis longtemps, sachant qu'elle ne pourrait seulement retirer une quittance, ni même donner un acompte, Rirette, effarée, sentait le regard de la concierge peser de plus en plus cruellement sur elle, l'atteindre comme une morsure de fer rouge. Certes, cette concierge, Madame Thomas, n'était pas une méchante femme. Elle eût, elle, si elle l'avait pu, accordé tous les délais que lui demandaient ses locataires. Mais elle recevait des ordres du propriétaire. Elle devait les faire exécuter, Riri savait. Madame Thomas, avec ménagement toutefois, l'avait averti que si le troisième terme n'était pas payé à l'échéance, le gérant ferait procéder à la saisie et à l'expulsion. Expulsée du pauvre logis, là-haut, sous les toits, chassée de l'ordre de mansarde, elle, sa mère mourante, sa sœur infirme, jetée dans la rue. Le propriétaire ne leur laissait occuper encore, sous couleur de charité, de générosité, leur logis que parce que malgré l'écriteau depuis longtemps accroché dans la rue, aucun locataire nouveau ne se présentait, aucun pauvre ne se trouvait assez misérable pour s'accommoder de ce taudis. Mais si de ce logis où elles gelaient l'hiver, où elles étouffaient l'été, sous la simple feuille de zinc formant toiture, si on les expulsait, elle, sa sœur, sa mère, où irait-elle, où trouverait-elle un autre refuge, les malheureuses? Ce matin, plus que jamais, le pénible retour au logis, auquel elle pensait déjà, semblait par une sorte de noir pressentiment, plus triste, plus douloureux à la pauvre Riri. Mais en même temps, était-ce la cause de ce pressentiment inquiétant? Un événement qui s'était produit ces jours-ci la préoccupait aussi très fort, et venait doubler l'angoisse de son cœur déjà si grandement attristée. Depuis quelque temps, elle rencontrait sur son chemin, soit au sortir de l'atelier, soit surtout le matin, quand elle se dirigeait seule vers les boulevards, un élégant gentleman. Ce gentleman, fort joli garçon, très bien habillé, s'était arrangé tout d'abord pour attirer son attention. Ensuite, il l'avait souri discrètement comme à une figure de connaissance, puis il l'avait salué, et enfin, il s'était enhardi et lui avait adressé la parole. Assurément, pareille aventure n'était pas rare. Tous les jours, Riri rencontrait des galants qui lui parlaient, lui glissaient des compliments, cherchait à entamer avec elle la conversation. Quand ce n'étaient pas des coureurs d'aventure plus hardis, ou des goujats osant lui faire entendre de brusques et grossières propositions. Ce sont là les hasards de la rue. Toute femme, si elle est tant soit peu jolie, y est exposée dès qu'elle met le pied sur un trottoir. Or, Rirette était, nous le savons, délicieusement jolie. Elle attirait fatalement les hommages. Elle suscitait les appétits et inconsciemment soulevait sous ses pas le désir et l'amour. Mais Rirette savait se défendre et repoussait si nettement, si carrément toute avance indélicate, que le galant le plus audacieux se le tenait pour dit et ne recommençait pas, que le plus tenace s'éloignait. Mais ce gentleman, toutefois, se montrait si discret, si avenant, qu'elle n'eut pas à le rabrouer comme les autres. Quand il finit par lui parler, elle ne put brusquement le repousser. Sa voix d'ailleurs était douce, prenante, et ce fut en elle comme une caresse inconnue et délicieuse qui se glissa. « Mademoiselle, dit le gentleman, ne voyez dans ma hardiesse aucune offense. Je sais qui vous êtes, et je sais à qui je parle. Ce n'est point le chercheur d'aventures galantes, le suborneur de jeunes filles qui s'adresse à vous. C'est l'homme profondément épris. C'est mon cœur passionnément amoureux qui me force à oser vous adresser la parole et qui vous supplie de m'écouter. » Rirette voulut cependant hâter le pas, se détacher de ce gentleman, mais il la suivit et reprit. « Permettez-moi de vous dire deux mots encore. Vous êtes très malheureuse chez vous. Votre mère souffre. Eh bien, si vous le vouliez, tous ces maux, toutes ces douleurs pourraient cesser. Vous êtes belle, Rirette, comme aucune femme au monde n'est belle. Je vous aime, je suis riche et... » Rirette, cette fois, ne le laissa pas achever. Elle tourna vers le gentleman ses yeux que l'indignation rendait plus beaux encore, et lui coupant la parole, lui dit nettement « Assez, monsieur, assez. Puisque vous prétendez me connaître, vous devez savoir que je ne puis vous écouter plus longtemps. Cependant, laissez-moi. Adieu, monsieur. Je vous assure, Rirette, que vous avez tort de ne pas m'écouter. Vous vous méprenez sur mes intentions. Laissez-moi vous expliquer. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi. » Rirette quitta cette fois brusquement le trottoir, traversa la chaussée, laissant de l'autre côté le gentleman quelque peu dépité, en vérité. Mais sans que Riri s'en doutât, une camarade d'atelier avait aperçu tout ce manège, toute cette scène. Naturellement, elle s'empressa de la raconter aux autres camarades. On en parla entre jeunes filles, on discuta longuement la conduite de Riri. Le gentleman, d'ailleurs, toutes les ouvrières le connaissaient. C'était celui qu'elles appelaient entre elles le comte. C'était le comte de la Guérinière, en effet, qui, ayant de son côté aperçu les deux frères dans le passage Ganneron et aux abords de l'atelier de Riri, dans la rue de la Paix, se douta de l'amour des fils du banquier Montreuil pour celle dont il avait lui aussi grandement envie. Le comte de la Guérinière résolut, afin de ne pas laisser à des rivaux cette adorable conquête, de brusquer les choses. Mais il ne comptait pas assez avec la droiture, l'honnêteté de Riri. Le comte, habitué à voir céder dès ses premières propositions bien d'autres femmes, qui paraissaient plus difficiles à vaincre que cette petite ouvrière, se trompa grandement. Il connut là, peut-être, sa première déception de séducteur, sa première défaite de don Juan qu'il était. Son amour-propre, autant que sa haine pour les deux frères, le poussa à continuer, malgré ce premier échec, la poursuite de la conquête de Riri dont il se déclarait vraiment désireux et qu'à tout prix il voulait vaincre. Peut-être bien, en outre, y avait-il dans cette poursuite par lui, dans la conquête de cette petite ouvrière, un autre attrait que la simple satisfaction d'un amour passager. Le comte de la Guérinière n'était pas homme à se lancer dans une pareille aventure, à risquer de se couvrir de ridicule, sans un intérêt puissant. Mais que pouvait-il bien attendre de cette Riri la jolie, de la fille de Madame Ménardier, qui dans un taudis se mourait de misère? Cependant, il était fortement décidé à venir à bout de la résistance de Riri. Un peu de patience, fit-il, encore un coup d'audace, et nous arriverons à tenir cette jolie rirerie dont la vertu finira bien par s'apprivoiser. D'ailleurs, le comte de la Guérinière ne pouvait s'endormir sur une rebuffade de ce genre et accepter de si bon cœur un pareil affront. « J'ai plusieurs moyens, se dit-il, de faire entendre raison à Riri. Si les moyens simples et habituels ne suffisent pas, il en est d'autres beaucoup plus décisifs, meilleurs, dont je me servirai. » Et il se répéta. « Riri, ma jolie Riri, il faut que tu sois à moi, c'est entendu, c'est inévitable. De gré ou de force, Rirette, la jolie, tu seras mienne, il le faut. » Pauvre Riri, malheureuse Riri.